بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi, enveloppé dans ton manteau, lève-toi et avertis, exalte ton Seigneur, tes vêtements, purifie-les, et fuis l'abomination. Ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Pour ton Seigneur, sois patient. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. Quand la trompe retentira, alors ce jour-là sera un jour horrible, intolérable aux négateurs. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul, à qui j'ai donné une immense fortune, des fils, à qui aussi j'ai aplani toutes les difficultés, et pourtant il souhaiterait que je lui donne davantage, en aucun cas, car il s'est rebellé contre nos signes. Je lui imposerai donc de gravir une pente, car il a réfléchi et il a arrêté sa décision. Qu'il périsse comme il a décidé, encore une fois, qu'il périsse comme il a décidé. Puis il a regardé, s'est renfrogné et rembruni, ensuite a tourné le dos, plein d'arrogance, et a dit, ce n'est là que magie apprise, ce n'est rien de plus que le discours d'un mortel. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Je le lancerai dans le feu intense de Saqqar. Et qui te dira ce qu'est Saqqar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit sur Saqqar. Veille 19 anges. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Nous n'avons assigné que des anges pour être gardiens du feu, et nous n'en avons précisé le nombre que pour éprouver les négateurs. pour que les gens du livre soient convaincus, et pour renforcer la foi des croyants, et aussi pour que les gens du livre et les croyants n'entretiennent pas de doute, et pour que ceux qui ont au cœur une maladie, de même que les négateurs disent, qu'a donc voulu dire Dieu par cet exemple ? C'est ainsi que Dieu égare qui il veut et guide qui il veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui, et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Non, par la lune, et par la nuit quand elle se retire, et par l'aurore quand elle pointe, Saqqat est l'un des plus grands malheurs, un avertissement pour les hommes. Pour qui d'entre vous choisit d'avancer ou de reculer ? كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Chaque âme sera l'otage de ses propres actions, à l'exception des gens de la droite. Dans des jardins, ils s'interrogeront au sujet des criminels. Qu'est-ce qui vous a acheminé vers l'enfer ? Ils répondront : nous n'étions pas de ceux qui accomplissent leurs prières. Et nous ne nourrissions pas le pauvre, nous tenions des conversations futiles avec de vains parleurs, et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution, jusqu'à ce que nous vînt la certitude. À ce moment-là, l'intercession d'aucun intercesseur ne leur profitera. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. Qu'ont-ils donc à se détourner du rappel, tels des ânes affolés, fuyant un lion ? Chacun d'eux veut qu'on lui apporte des feuillets déployés, qu'ils prennent garde. Loin de croire, ils ne craignent pas l'au-delà, qu'ils prennent garde. Ceci est vraiment un rappel. Quiconque veut qu'il se le rappelle. Mais ils ne s'en rappelleront que si Dieu le veut. Il est le seul qui soit digne d'être craint, et c'est auprès de lui seul qu'il sied de rechercher le pardon.